and improve, I'll be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on our fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Not stop, do it like whoop, there it is. This is the rhythm. You like that space? Black Eyed Peas, Ritmo sur RGM, presque 8h36. On parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 28 novembre 1929, naissance de Berry Cordy, producteur musical américain qui a fondé le label Motown. 1946, naissance de Joe Dante Jr., réalisateur américain qui l'envoie les Gremlins 1 et 2 ou encore les Looney Tunes passe à l'action. 1949, naissance de Jean-Charles de Castelbajac, styliste français. 1950, naissance de Ed Harris, acteur américain vu dans Apollo 13. Ma meilleure ennemie, Stalingrad dans le rôle du major Erwin Koenig, un homme d'exception, Gone Baby Gone de Ben Affleck dans le rôle de Rémy Bressan, Benjamin Gates et le livre des secrets dans le rôle de Mitch Wilkinson, et il sera à l'affiche de Top Gun Maverick, sortie prévue l'année prochaine. 1959, naissance de June Nelson, acteur américain connu pour son rôle de John Bender dans Breakfast Club et son rôle d'Alec Newberry dans St. Elmo's Fire. 1961, naissance d'Alfonso Cuarón, réalisateur mexicain à qui l'on doit Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Gravity, récompensé de l'Oscar du meilleur réalisateur, et plus récemment Roma, Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film étranger. 1968, naissance de Dawn Robinson, chanteuse américaine du groupe En Vogue entre 1990 et 1996, et on écoute tout de suite un extrait de leur titre Don't Let Go. Voilà pour l'extrait du groupe En Vogue. Allez, on continue les anniversaires. 1974, naissance d'Apple Diapi, chanteur américain du groupe Black Eyed Peas. 1978, naissance d'Aimée Garcia, actrice américaine vue dans 7 ans de séduction dans le rôle de Nicole, Robocop, la série télé Dexter dans les saisons 6, 7 et 8 dans le rôle de Jamie Batista, et elle joue dans la série Lucifer le rôle d'Ella Lopez. 1979, naissance de Daniel Henney, acteur américano-coréen vu dans X-Men Origin Wolverine, la série télé Hawaii 5-0, NCIS Los Angeles, Esprit criminel Unité sans frontières dans le rôle de l'agent des opérations spéciales Matthew Simons, rôle qu'il reprend d'ailleurs dans Esprit criminel. 1981, naissance de Louise Bourgoin, actrice animatrice télé française vue dans Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec dans le rôle d'Adèle Blanc-Sec, Un heureux événement dans le rôle de Barbara, L'amour dure 3 ans dans le rôle d'Alice ou encore Sous le même toit. 1983, naissance d'Edouard Roger Vasselin, joueur de tennis français professionnel depuis 2001. En simple, il a été 35e mondial en 2014, 16e de finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, et 32e de finaliste à l'US Open. En double, numéro 6 mondial en 2014. Il a gagné une fois Roland-Garros, deux fois finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à l'Open d'Australie et l'US Open. 1984, naissance de Trey Songz, chanteur américain, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Simply Amazing. I can't even explain what it is she does. But yeah, whatever it is, whatever it is, whatever it is, it's simply amazing. Her head is on my chest, the sun comes rolling in. We're lost in these covers, and all I feel is skin. I slowly kiss your face, beautiful in every way. You are. See, I'm a man that don't believe in much, but I'd be damned if I don't believe in us. And how we play a fight up in the bathroom, next thing you know I'm making love to you. Girl, promise me you'll never change. She ain't perfect, but she's worth. Voilà pour l'extrait donc du chanteur Trey Songz. Allez, on continue les anniversaires et on reste en 1984 avec la naissance de Marie-Elisabeth Winstead, actrice américaine vue dans Le Cercle 2, Destination Finale 3, Die Hard 4, Retour en Enfer, Abraham Lincoln, chasseur de vampires dans le rôle de Mary Todd Lincoln et dans le film Gemini Man dans le rôle de Danny. 1985, naissance de Le Phare, rappeur français du groupe Section d'Assaut. C'est également la naissance de Shaim, chanteuse française et également actrice puisque qu'elle sera dans la saison 10 de Profilage. 1987, naissance de Karen Gillan, actrice écossaise, vue dans Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, ainsi que Avengers Infinity War et Avengers Endgame, dans le rôle de Nebula. Vue aussi dans Jumanji, Bienvenue dans la Jungle, dans le rôle de Ruby Rondhouse, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans le prochain volet Jumanji's Next Level, dont la sortie est le 4 décembre prochain. Allez, on termine les anniversaires avec la naissance en 1990 du rappeur français Gradure et on écoute tout de suite un extrait de son titre Rosa. Mamacita de la Rosa, une jolie beauté comme Rosa Acosta, verre de rosé, un pas de côté, d'un coup mon cœur s'emballe, je veux la doter. Elle est chevrée, c'est de la peau vraie, c'est toi que je veux chérie, y'a pas d'à peu près. Je vais réussir ma vie avec ou sans toi, je veux que tu sois mon bébé, je te mette la bague au doigt. Laisse-les parler, je sais qu'elle te jalouse, t'es ma chantier, moi je suis ton jaoul. J'ai fait des fois dans ma vie, mes hobbies, mon parcours, je serai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Des fois tout ira mal, donc on va se taper, et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr, se chérir, se soutenir, mais s'aimer. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa, elle a fait pleurer Melosa. Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa. Voilà pour Gradure. Allez, tout de suite, on s'écoute Section d'Assaut avec leur titre Désolé. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman

Et alors, Chaim sur RGM. Il est presque 8h57 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. Dossier consommateur cette semaine. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 16h, une rediffusion des années bonheur avec Gilou. 18h30, regarde ailleurs. Et nous, on se retrouve demain matin. Excellente journée à tous.